свете чамбео, выкупанту секове. La parole c'est dans l'esprit, Jésus parle de son amour. La vision de l'Esprit Christ de rassembler ses élus, la puissance de sa parole dans les âges de son Église. La cohorte du Saint-Esprit bénissant l'Esprit de l'air, la bonté dans son avis, la lumière dans son époux. La pensée, cette chambre est haute, regroupant tous ses conviés. La parole, c'est dans l'esprit, Jésus parle de son amour. La vision de l'Esprit Christ de rassembler ses élus, la puissance de sa parole dans les âges de son Église. La cohorte du Saint-Esprit bénissant l'Esprit de l'air, la bonté dans son avis, la lumière dans son époux.